إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تذكر أيها المسلم عظيم نعم الله عليك، وفكر في آلاء الله عليك. إن الكثير من الناس لا يعرف لنعم الله قدرها ولا يعرف لها حقها. نعم الله تتوالى عليه وكأنها أمور معتادة لا يقدر لها قدرها ولا يعرف لها حقها، وهذا من الجهل العظيم. وربنا جل وعلا يذكرنا دائما بنعمه علينا، ويعرفنا بفضله علينا، ويدعونا لأن نقابل هذه النعم بشكره تعالى عليها. أيها المسلمون، وإذا تدبرتم كتاب الله رأيتم ذلك واضحا جليا. يقول الله جل وعلا مذكرا عباده بنعمته عليهم، حيث أوجدهم من العدم ورباهم بنعمه. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فتفكروا وتأملوا هذه الآية: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، لا أحد، الله الذي ابتدأ خلقك وأنشأك من العدم ورباك بنعمه، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا خالق غيره ولا رازق سواه. ويقول الله جل وعلا آمرا بشكره: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي نعمي، واشكروا لي فضلي وإحساني، واشكروا لي الخير الذي عمكم تتقلبون فيه آناء الليل وأطراف النهار. Chers musulmans et musulmanes, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre disposition ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Rappelle-toi, chers musulmans et musulmanes, les immenses bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Beaucoup de gens ne connaissent pas les bienfaits d'Allah sur eux et ne se rendent pas compte de la valeur de ces bienfaits dont ils jouissent. Ils jouissent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si c'était quelque chose d'anodin. Ils ne connaissent ni la véritable valeur, et ceci est de leur part une immense ignorance. Allah Azza wa Jal nous rappelle souvent ses bienfaits Azza wa Jal. Il nous fait reconnaître ses bienfaits sur nous, et il nous appelle, subhanahu wa ta'ala, à être reconnaissants vis-à-vis de ces bienfaits dont nous jouissons. Celui qui médite le livre d'Allah Azza wa Jal trouvera cela de façon claire et nette. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ses serviteurs se doivent de se remémorer et d'avoir à l'esprit les bienfaits que leur Seigneur leur accorde. Leur Seigneur qui les a créés du néant. Il dit Azza wa Jal, ô vous les gens, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Y a-t-il un créateur autre qu'Allah qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre? Nul ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Méditez, chers musulmans et musulmanes, ce verset de Sourate Fatir, dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit, ô vous les gens, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Y a-t-il un créateur autre qu'Allah? La réponse est non. Il n'y a d'autre créateur en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui t'a créé du néant. Et c'est lui qui te comble de ses bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Hal min khaliqin ghayrullah? Y a-t-il un autre créateur en dehors d'Allah qui vous accorde la subsistance des cieux et de la terre? La réponse est non. Il n'y a d'autre créateur qu'Allah et il n'y a d'autre pourvoyeur que lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ordonne dans ce noble livre d'être reconnaissant vis-à-vis de lui. Il dit, subhanahu wa ta'ala, souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. C'est-à-dire, soyez reconnaissants vis-à-vis des bienfaits que je vous donne. Soyez reconnaissants vis-à-vis de ma bienfaisance à votre égard. Soyez reconnaissants de par le bien que vous utilisez et dont vous jouissez nuit et jour. ثم اعلموا أن نعم الله تزداد بشكرها وتبقى بشكرها الشكر الحقيقي. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كن دائما أيها المسلم متذكرا لنعم الله متفكرا فيها لتعلم قدرها وفضلها. ومهما عرفت فلن تستطيع أن تحصي تلك النعم ولن تستطيع أن تعدها فهي نعم فاقت العد وفاقت الحصر. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها كل نعمة فيك فمن الله. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ولقد ذم الله من عرف نعمه فكفرها. قال عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les bienfaits d'Allah عز وجل augmentent plus tu es reconnaissant. Ces bienfaits persistent et tu ne cesseras d'en profiter tant que tu feras preuve d'une véritable et sincère reconnaissance envers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Azza wa Jal, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera alors terrible. Ainsi, sois, chers musulmans et musulmanes, remémore-toi et rappelle-toi sans cesse les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Médite sur ceci afin d'en connaître la véritable valeur et afin d'en connaître les mérites. Et sache que quelle que soit la science que tu peux avoir, tu ne saurais dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Il est impossible de dénombrer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils sont tout simplement innombrables. Il dit Azza wa Jal, et si vous énumériez les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne sauriez les compter. Et sache que tout bienfait dont tu jouis provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Azza wa Jal, et il n'y a pas un bienfait sans qu'il ne provienne d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a critiqué et a condamné ceux qui connaissent les bienfaits mais sont ingrats envers leur Seigneur. Il dit Azza wa Jal, ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient et la plupart d'entre eux sont des ingrats. ثم اعلموا أن شكر النعم مطلوب من المسلم بقلبه وبلسانه وبجوارحه فيشكر الله بقلبه ففي قلبه تعظيم لله وثناء على الله ويقين جازم بأن هذه النعم من الله فضلا منه وكرما فيزداد حبا لله وخوفا من الله ورجاء لما عند الله فقلبه موقن بهذه النعم عارف لها على الحقيقة ولسانه دائما يثني على الله ويحمد الله على كل الأحوال يحمد الله على نعمه كلما تذكرها قال الحمد لله رب العالمين يحمد الله بلسانه دائما وأبدا ويشكر الله بجوارحه فتلك النعم تسخر في طاعة الله ويستعان بها على ما يرضي الله ويتقرب إلى الله بطاعته شكرا لله وطاعة على تفضله وإنعامه فإذا سخر العبد نعم الله في طاعته واستعان بها على ما يرضي الله كان من الشاكرين وإن استعملها في غير طاعة الله كان من الكافرين بها. Sachez donc, chers musulmans et musulmanes, qu'il vous est demandé d'être reconnaissant envers votre Seigneur par votre cœur, par votre langue et par les membres de votre corps. Soyez reconnaissant envers Allah par votre cœur. Ceci, lorsque le cœur prend en considération l'immensité d'Allah, lorsque le cœur fait les éloges d'Allah, lorsque le cœur est certain que ses bienfaits proviennent d'Allah Azza wa Jal et que c'est une grâce venant de sa part subhanahu wa ta'ala. Ainsi le musulman, son amour pour Allah grandit, de même que sa peur pour Allah accroît, et ce musulman espérera ce qu'il y a auprès d'Allah. Son cœur est donc persuadé que ces bienfaits dont il jouit sont proviennent de son Créateur subhanahu wa ta'ala. Il les connaît alors dans leur véritable forme. Sa langue également ne cesse de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles que soient les situations, il remercie Allah pour ses bienfaits. À chaque fois qu'il se remémore un bienfait d'Allah, il dit louange à Allah, le Seigneur des mondes. Il remercie Allah par sa langue et reconnaissant envers Allah par les membres de son corps. Ainsi, ce musulman aura utilisé les bienfaits d'Allah dans l'obéissance d'Allah. Et il aura utilisé les bienfaits d'Allah pour acquérir, et il cédera des bienfaits d'Allah pour obtenir la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui utilise les bienfaits d'Allah pour lui obéir fait partie des reconnaissants. Quant à celui qui utilise les bienfaits d'Allah pour désobéir à Allah Azza wa Jal, il fait alors partie des ingrats. Ayyuha al-muslimun, lillahi alayka ni'amun azimah, wa a'zamu ni'mati min Allahi alayk, hidayatuka lil-islam, an arrafaka bihada ad-din, wa sharaha sadraka liqabuli al-haq, hadaka Allah, إلى معرفة هذا الدين والانتساب إليه، فتلك النعمة الكبرى والمنة العظمى. فاحمد الله أن كنت مسلما، وأن عرفت ربك ودينك ونبيك، عرفت لأي شيء خلقت، وعرفت أنك خلقت لله ولعبادة الله عز وجل. بعث فيك نبي كريم يدعوك إلى الله ويعرفك بربك على الحقيقة، فاحمد الله على هذه النعمة، فكم ضل عنها الكثير من الناس. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فمن حرم نعمة الإسلام فإن البهائم خير وأهدى سبيل منه. من حرم نعمة الإسلام فقد حرم الخير كله. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فيا من هداه الله للإسلام، اعرف قدر هذه النعمة وازدد لله شكرا وثناء عليها أن هداك فجعلك من المسلمين، وجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلك ممن يرجى له دخول الجنة بفضل الله وبرحمته. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Chers musulmans et musulmanes, et sachez que parmi les plus immenses bienfaits d'Allah Azzawajal sur vous, le fait qu'Allah Azzawajal vous ait comblé de ce bienfait qui est la guidée à l'islam, le fait qu'Allah Azzawajal ait fait en sorte que vous connaissiez cette religion qu'est l'islam, qu'Allah Azzawajal ait apaisé votre cœur afin qu'il accepte cette vérité, le fait qu'Allah Azzawajal vous ait guidé à accepter cette religion et à vous attribuer à celle-ci, ceci est sans doute l'ultime bienfait de la part de votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Sois donc reconnaissant envers Allah si tu es musulman. Sois reconnaissant envers Allah car tu connais ton Seigneur, ta religion et ton prophète. Tu sais pourquoi tu as été créé. Tu sais que le but de ta création et l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Un prophète généreux et compatissant t'a été envoyé afin de t'appeler Allah et afin de te faire connaître la religion de ton Seigneur de façon authentique. Sois donc reconnaissant envers Allah vis-à-vis de ce bienfait, car combien de gens sont égarés et combien de gens ne connaissent pas la douceur de la foi et ne connaissent pas la réalité de l'islam. Allah Azza wa Jal dit: est-ce celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur? Puis il dit Azza wa Jal: malheur donc à ceux dont les cœurs sont endurcis contre le rappel d'Allah, ceux-là sont dans un égarement évident. Ainsi, Ô toi qu'Allah Azza wa Jal a guidé à l'islam, reconnais l'immense valeur de ce bienfait et sois de plus en plus reconnaissant et fais les éloges de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala par le fait qu'il t'ait guidé à l'islam et qu'il ait fait de toi un musulman, qu'il ait fait de toi une personne appartenant à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ait fait de toi une personne dont l'on espère l'entrée au paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il dit subhanah: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité que ce soit, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونعمة أخرى وهي نعمة الإيمان الذي هو أوسع من دائرة الإسلام بأن يوفقك الله للالتزام الواجبات وأداء الفرائض والبعد عن المحرمات يحبب الله لك الصلاة ويحبب لك الزكاة والصوم والحج ويحبب الله لك واجبات الإسلام من بر وصلة وإحسان وبذل معروف يحبب الله لك الإيمان وأخلاق المؤمنين فتكون محبا لها معظما لها وبحول الله ويحول الله بنيتك ويحول الله بينك وبين ما حرم عليك فتكره المعاصي والسيئات وتبتعد عنها خوفا من الله ورجاء لرحمته قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان واسأل الله الثبات على الحق وقل دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Un autre bienfait dont Allah Azza wa Jal nous a comblé est le bienfait de la foi qui est plus vaste que l'islam, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait facilité et t'ait permis d'accomplir les devoirs et de délaisser les interdits, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte que tu aimes la prière, que tu aimes la zakat, que tu aimes le jeûne et le pèlerinage, le fait qu'Allah Azza wa Jal fait en sorte que l'amour de lui obéir pénètre ton cœur, l'amour de la bienfaisance, l'amour de diffuser le bien autour de toi, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait fait aimer la foi, qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte que tu sois doté du comportement des croyants, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait mis un obstacle entre toi et ses interdits, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait fait en sorte que tu détestes de lui désobéir et que tu détestes commettre des péchés. Tu t'éloignes de ces péchés par peur d'Allah Azza wa Jal et en espérant sa miséricorde. Il dit Azza wa Jal, et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura deux jardins. Demande donc à Allah Azza wa Jal de raffermir tes pas dans la vérité et dis sans cesse l'invocation qu'Allah Azza wa Jal nous dirige à dire dans son noble livre. Ô Seigneur, ne dévie pas nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous de ta part une miséricorde. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait souvent, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. ثم تفكر في سائر النعم الله في سائر نعم الله عليك خلقك ربك في أحسن تقويم أكرمك بهذا الخلق الحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فاحمد الله على هذه النعمة فكمال الخلق وكون الخلق سويا نعمة من الله عليك فاشكر الله على هذا الخلق الحسن قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين ثم تفكر في نعم الله عليك وهبك الله العقل تميز به بين الحسن والقبيح وبين الخير والشر وبين النفع والضار وبين النافع والضار عقلك ميزك الله به عن سائر الحيوان عقل كلما كمل قربك إلى الله وأبعدك عن كل سوء وحفظك الله به من المكاره عقل هو زينتك أيها الإنسان متى استقام هذا العقل وصفى أرشدك بتوفيق الله إلى الخير وهداك إلى الخير، فتأمل نعمة العقل، ثم تفكر في نعمة السمع، تسمع به الأشياء، تسمع به الخطاب، وتفهم ما خوطبت به، ثم ترد الجواب، وتأخذ وتعطي، وتعامل الناس. وتفكر حال من فقد سمعه، ينادى وكأنه ينادى من مكان بعيد، ويفهم القليل ويغيب عنه الكثير. فاحمد الله على سمعك الذي تسمع به والذي هو كامل في أموره. Puis médite, chers musulmans et musulmanes, sur la création d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait créé de la forme la plus parfaite. Il dit Azza wa Jal, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Sois donc reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé de la forme la plus parfaite. Le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait créé sans handicap, sois reconnaissant envers ton Seigneur. Que soit glorifié Allah, le meilleur des créateurs. Puis médite et réfléchis sur cette raison qu'Allah Azza wa Jal t'a accordée, une raison à travers laquelle ou par laquelle tu différencies le mauvais du bien, une raison par laquelle tu différencies les choses bénéfiques des choses néfastes, une raison qui te différencie, cher être humain, des animaux. Une raison qui, plus elle est complète et plus elle t'éloigne du mal et te rapproche de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Une raison qui t'embellit, chers musulmans et musulmanes. Car une personne dénuée de raison, son estime baisse auprès des gens. Puis réfléchis et médite sur ce bienfait de l'ouïe, l'ouïe par laquelle tu entends les choses, l'ouïe par laquelle tu comprends et tu entends celui qui s'adresse à toi, l'ouïe par laquelle qui te permet de répondre également à celui qui s'adresse à toi, une ouïe qui te permet d'avoir des relations avec les gens. Et rappelle-toi et remémore-toi la situation de celui qui n'entend pas. L'on l'appelle comme s'il était loin. Il comprend une partie de ce que tu lui dis et la majeure partie part dans le néant. Sois donc reconnaissant envers Allah Azza wa Jal de par ce bienfait de lui qu'il t'a accordé. ثُمَنْظُرْ إِلَى نِعْمَةِ الْبَصَرْ وما ترى به وما ترى بهذه العينين وما تنظر بهما وتستعين بهما على أمورك العامة والخاصة. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ثم انظر أيضا في نعمة اللسان، هذا اللسان الذي تنطق به وتعبر به عما في ضميرك، فهو دليل على ما في عقلك ومخبر عن حالك وتصوراتك. فاحمد الله وتذكر حال من لا يحسنون الكلام ولا يجيدونه ويخاطبون بالإشارة فيفهم منه شيء ويفوت أشياء وأنت تتكلم وتنطق. فاحمد الله على هذه النعمة، هذه نعم من الله عليك. أضف إليها ما وهب الله لك من نعمة المسكن والمأكل والمشرب والمرأة والولد إلى غير ذلك، فالنعم عظيمة. فما جاء بعد عافية الدين والبدن مزيد خير ومزيد فضل، لكن على المسلم أن يعظم ربه وأن يتفكر في نعم الله عليه ليزداد شكرا لها. فإن الله جل وعلا يحب منا أن نثني عليه، فهو أهل الثناء والمجد، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن الله يرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. Puis médite, chers musulmans et musulmanes, sur le bienfait de la vue, les yeux à travers lesquels tu vois, des yeux qui te permettent de t'aider dans les besoins que tu as de tous les jours. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre: ne lui avons-nous pas donné deux yeux, une langue et deux lèvres? Ne l'avons-nous pas guidé aux deux voies? Puis médite également sur le bienfait de la langue, cette langue par laquelle tu parles, cette langue qui te permet d'exprimer ce qu'il y a dans ton fort intérieur, cette langue qui permet de montrer ta raison, et une langue qui permet d'exprimer ta situation et ta façon de penser. Sois donc reconnaissant envers Allah Azza wa Jal pour le bienfait de la langue. Et rappelle-toi et remémore-toi la situation de ceux qui ne peuvent pas parler ou de ceux qui ont des lacunes dans l'expression, ceux qui sont obligés de faire des signes pour se faire comprendre. Et à travers ces signes, l'on comprend une partie de ce qu'ils veulent dire et beaucoup de choses ne sont pas comprises. Or toi, chers musulmans et musulmanes, Allah Azza wa Jal t'a donné la faculté de parler, il t'a donné la faculté de t'exprimer. Sois donc reconnaissant envers Allah pour ce bienfait. Et ajoute à tous ces bienfaits ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme bienfait d'avoir une demeure dans laquelle tu vis, les bienfaits d'avoir de quoi manger, de quoi boire, le bienfait d'avoir une femme pieuse et d'avoir des enfants, et bien d'autres bienfaits immenses dont beaucoup jouissent. Il n'y a pas après une religion saine et une santé bonne de bienfaits. Le musulman se doit donc d'immensifier Allah Azza wa Jal et de se remémorer sans cesse les bienfaits d'Allah afin qu'il soit de plus en plus reconnaissant. Et Allah Azza wa Jal aime de nous que l'on soit reconnaissant à son égard et que l'on fasse les éloges, subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Anas, rapporté par Muslim dans son sahih: Allah aime de son serviteur qui, lorsqu'il mange, remercie Allah pour cette nourriture, et lorsqu'il boit une gorgée, remercie Allah pour celle-ci. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعم، اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعم، اللهم إنا نعوذ بك من كفر النعم. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره واجعله عبرة للمعتبرين، يا قوي يا متين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.